Sandy est avec nous. Bonsoir Sandy. Bonsoir tout le monde. Voilà, tiens, prends plutôt l'autre micro, je crois que le son est meilleur de celui-ci. Tiens, Rigo va te le donner. Rigo qui est venu d'ailleurs nous rejoindre, si vous voulez éventuellement venir sur l'internet. Dialoguer, c'est irc.femradio.fr. Comme d'habitude, ça n'a pas changé, ça, j'espère, parce que je suis quand même un peu perdu. Bon, très bien, on ne change pas les bonnes habitudes. Sandy. Oui, ben, ça me fait très très plaisir déjà de passer sur l'antenne. Alors Sandy, qui est la femme de Gérard, t'as entendu ce soir Jean Denebert qui a annoncé quand même un heureux événement. Oui, j'ai entendu, ouais. Et franchement, j'y croyais pas du tout quand il a annoncé ça. Je me suis dit, c'est pas possible. Alors maintenant, j'y croyais pas du tout. Maintenant qu'il l'a dit, il faut le faire. Hein. Ouais, faut le faire. Bah, déjà, c'est vrai que c'était en prévision et puis. C'est vrai. On ne pouvait pas le faire parce qu'on n'avait pas trop d'argent, donc c'était pas la peine de faire un enfant tout de suite. Hein. Ça rentre dans les prévisions de l'an 2000? Ouais, moi j'ai vraiment le désir d'avoir un enfant. Maintenant j'ai bientôt 28 ans, donc je vais peut-être bientôt passer le cap des 30 ans. Donc je préfère avoir un enfant maintenant que d'avoir un enfant plus tard. Hein. Ouais, je comprends, tout à fait, ouais. Gérard, qu'est-ce que tu penses, Gérard, de cet événement, donc de ce bébé dont Jean parle pour l'année 2000? Ben, de toute manière, ce que j'en pense, il sera bienvenu. On s'en fout. Non, je m'en fous pas. Je peux te dire de toute façon de ce que j'en pense de ça, on s'en fout. Non, je m'en fous pas du tout, au contraire, on en avait... Mais moi, je pense, en tout cas, que ce sera le plus beau cadeau que je puisse faire à GG, puisque, elle fait des cadeaux là-dessus, c'est la seule personne qui a su me dire qu'il m'aimait vraiment et qui s'est vraiment pas foutu de moi, question amour. Voilà. Oh, mais attends, mais écoute la radio, on s'en dit pas l'enfant. Mais je leur avais fait voir quelque chose, ils sont même pas capables là-bas. Et ben quoi, fallait le donner là. Mais c'est toi qui le fais ça. C'est toi qui dois le faire, c'est pas nous. Alors Max, il va te dire quelque chose que j'ai marqué et normalement je devais te l'annoncer, mais c'est Max qui va le faire et en plus, il va te demander quelque chose. Attends, j'ai un document sous les yeux écrit de la main de Gérard et tu me demandes de demander ça. Ouais, le fais pas. Mais c'est moi avec elle ou c'est toi avec elle? Non, c'est moi. Mais c'est toi parce que... Oh putain, j'ai cru que c'était pour ma gueule cet événement. Non, mais alors tu... Alors ce soir, on va de soirée en soirée, on a appris grâce à Jean Denebert que pour l'année 2000, Sandy a un enfant de Gérard. Et là, écoutez bien, Sandy, oui. Est-ce que tu acceptes de prendre Gérard comme époux? Comme époux? Il te demande en mariage ce soir officiellement, à 23h34, un 30 décembre. Eh bien, je dis oui. Voilà, je dis oui. Oh là là là. Je te remercie, mon amour. Je t'aime de tout mon cœur parce que je veux dire une chose. C'est la seule personne qui m'a montré vraiment l'amour que tu puisses m'apporter. D'autres personnes m'ont dit qu'ils m'aimaient et c'était vraiment des cons. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et toi, tu m'as vraiment montré ta sincérité vis-à-vis de moi et tu m'as dit que tu m'aimais et ça, c'est vraiment plus important. T'en as de la chance, mon salaud. Une femme qui t'aime, c'est tellement rare. Moi, ça m'est jamais arrivé, hein, personnellement. Bon, mais toi, demain, maintenant, demande-lui, si tu peux. Ah oui. Sandy, tu sais, tu m'as offert la peluche, t'as écouté tout à l'heure. Oui, j'ai écouté. Elle est magnifique, hein. C'est un croisement entre un rat et un chat, un lapin, on ne sait pas trop ce que c'est, une souris, enfin bon, c'est un peu un mélange de tout. Ma copine, ma petite amie, apparemment collectionne, en tout cas, a chez elle quelques-unes de ces merveilleuses peluches, est-ce que tu m'autorises à lui offrir? Ah bah y a pas de problème. C'est vrai. Tu vois, moi je l'ai offert de bon cœur de la part de moi, Gérard. Ah oui, c'est clair. Mais si je l'offre à ta copine. Voilà, à ma princesse. Ouais, je te donne la permission, tu peux lui offrir, y a pas de problème. D'accord, voilà. Donc parce que je lui ai dit aujourd'hui que je lui avais acheté un cadeau, c'est pas vrai. Et donc maintenant j'en ai un et donc voilà, princesse, j'ai un cadeau pour toi, une petite peluche qui devrait te faire. Écoute, j'ai fait un petit coucou de ma part. Voilà. Bah voilà, écoute, y a pas de problème, elle nous écoute probablement et donc sache ma princesse que donc tu as une super petite peluche qui t'attend. Voilà. Et puis, sinon, je souhaite une bonne année 2000 à tout le monde, même si c'est pas commencé encore, dans 2 jours à peu près. Non, dans moins de 24 heures. Voilà, soyez tous heureux et n'écoutez pas les autres, parce que les amis, vous les comptez sur les bouts des doigts, ils vous disent que vous êtes les meilleurs amis du monde, mais en fin de compte, c'est vraiment des radins. Et c'est vraiment des personnes à qui il faut pas faire confiance. Et non, ça va être... C'est ce que j'ai à dire. Le millénaire, s'il faut compter ses amis sur les doigts d'une main, ça va être dur pour les manchots. Hein. Ouais, mais il y en a qui disent qu'ils sont vraiment des amis, mais c'est vraiment... Vous pouvez compter vos amis sur le moignon. Voilà, exactement. Ah, donc au maximum, on peut en avoir deux. Ouais. Un par moignon. Ouais, si on peut dire, oui. Si on peut dire, effectivement, oui. On On va aller en direction de. On va aller par en. Par contre, je suis très très ému de passer sur l'antenne. Là, c'est. C'est vrai. Ouais, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez. Mouille la culotte, comme disait Amédée.